Bonjour. Je vois un panneau, la retraite à 64 ans, les archéologues ne feront pas de vieux os. Vous avez un casque, une râpe, vous avez un blouson taché de terre. Voilà. Votre prénom c'est quoi ? Caroline. Et qu'est-ce que vous faites ici Caroline aujourd'hui ? Avec quelques-uns de mes collègues, je suis venue manifester contre ce projet de réforme injuste et qui constitue une véritable régression de société en fait. Puisqu'il nous promet tout simplement de continuer à vivre dans la misère. Et il nous promet une retraite pire. Voilà, donc ça me paraissait normal d'être là. Et comme ça concerne absolument tout le monde, on n'est pas ici pour défendre telle ou telle catégorie de la population. On est là pour défendre tout le monde, et plus particulièrement aussi nos enfants. Et donc l'INRAP, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? L'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Donc l'archéologie préventive, qu'est-ce que c'est ? En fait, on intervient en amont des constructions, que ce soit publiques ou privées, construction de lotissements, routes, trains, lignes de train, etc. Exactement. Bon, voilà. Pour éviter qu'il se passe quelque chose comme en Chine où la chaussée s'est effondrée, ou bien pour pas trouver du tout. Des trésors ? Non, alors, on ne trouve pas de trésors. On n'est pas des chasseurs de trésors. On intervient donc en amont de ces travaux d'aménagement du territoire pour sauvegarder notre patrimoine, pour éviter que des sites archéologiques, majeurs ou pas d'ailleurs, ne soient tout simplement supprimés, purgés, sans que nous on ait pu y avoir accès. Et donc on sauve le patrimoine de notre pays. Ça doit être une petite bagarre avec les intérêts du BTP de temps en temps, ça ? Avec les aménageurs ? De temps en temps, mais ça fait longtemps qu'on existe, que les lois sur l'archéologie préventive existent aussi. Donc globalement, ça se passe en général assez bien. Okay. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie, bonne continuation. Bonne manifestation. Merci. La société, ce n'est pas la brimer. Réformer la société, ce n'est pas la brimer. C'est permettre aux citoyens d'arranger le quotidien. Macron, c'est non, c'est non, Macron. Et la solidarité, c'est la fraternité. Et la solidarité, c'est la fraternité. Car c'est notre bien commun de nous tenir tous la main. Macron, c'est non, Macron. Vous êtes chanteur professionnel, non ? Hein ? Vous n'êtes pas chanteur professionnel ? Non, je suis professeur. Vous êtes professeur de chant ? De français. De français, d'accord. Mais avec des talents pour chanter. Voilà, j'ai un peu chanté, oui. C'est vous qui avez composé cette chanson ? Oui, c'est moi le coupable. Voilà. Votre nom, c'est quoi ? Alexis Pelletier. Merci. Je vous en prie. Et est-ce que vous voulez dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pourquoi vous le dites dans votre chant ? Je crois que je suis là contre la réforme des retraites et contre la politique du gouvernement de M. Philippe. La politique générale de la France actuellement. Voilà, tout Merci. Bêtement. Merci à vous. Un hôpital public avec de vrais moyens. Merde à Blanquer. Pour une école publique avec de vrais moyens. Merde à Blanquer. Thank you. elle joue en marchant en plus, quoi. Elle joue en marchant avec un copain qui lui tient le djembé. Bonjour, madame. Bravo, bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, toujours en forme. Vous aussi? Mais il a encore des piles, hein, le mégaphone. Oui. Bah, faut pas hésiter. Ah bah, il va falloir, parce que je pense qu'on est là encore pour un certain nombre de semaines. Ouais. Vu comment notre cher président est obtus, il ne connaît rien à la situation de la plupart des Français. Vous n'avez pas l'intention de lâcher, vous? Absolument pas. Ouais. Non, absolument pas. Parce que les médias ont l'air de penser, les médias dominants ont l'air de penser que si. Ah, les médias dominants sont tous d'accord pour dire que finalement, Laurent Berger a la clé de la mobilisation. Sauf que les médias dominants, si la plupart ils sont à Paris, bah, faudrait qu'ils viennent avec leurs petits pieds jusqu'ici, puis ils verraient que c'est pas du tout ça. Et qu'il y a une grosse colère. Et une grosse colère qui est légitime, parce qu'on en prend plein à la gueule, hein, y a pas d'autre mot depuis des années. Et voilà, pour les profs, on est là contre cette réforme des retraites, bien évidemment, sur laquelle on va perdre énormément. Mais pas que. Ça fait des années qu'on a le droit à des réformes qui... nous empêche de travailler correctement avec les gamins. Parce que nous, on est quand même là pour les gamins, à la base. Hein. Sauf que là, entre Vallaud-Belkacem, puis Blanquer, on se retrouve dans un système où on fait de la reproduction sociale, on favorise le déterminisme social, et ça, c'est niette. On en a ras-le-bol. Votre prénom, c'est quoi? Julien. Merci, Julien. De rien. Bonjour. Bonjour. Vous continuez à faire des kilomètres? Je fais des kilomètres. Avec une canne, ça doit pas être toujours facile? Bah, ça va, à peu près. Vous étiez prof? J'étais enseignante, ouais. Ah ouais. Et vous continuez à manifester avec les anciens collègues? Oui. Oui, et puis avec tout le monde, quoi, en fait. Pas forcément avec des anciens collègues. Et c'est quoi vos motifs pour manifester aujourd'hui? Bah, parce que je trouve que détruire les services publics, c'est une honte. Que ce gouvernement est complètement scandaleux. Et que j'ai des enfants et que j'ai pas envie qu'ils vivent mal. Donc voilà. Donc on continue à faire des kilomètres. Voilà, je fais des kilomètres. Votre prénom c'est quoi? Françoise. Merci Françoise. Bonne manif. Oui, vous aussi. Bonjour. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui dans la rue? Je suis là pour manifester. Et pour discuter et échanger surtout avec des collègues pour les actions futures. C'est un lieu de concertation. C'est un lieu de concertation en dehors des AG locales. C'est le moment de se réunir derrière une banderole. Là, c'est tous les établissements d'Elbeuf qui sont réunis. École, collège, lycée, on est tous là. Vous êtes enseignante? Oui, en lycée. C'est le lycée Buisson d'Elbeuf. Okay. Votre prénom, c'est quoi? C'est Marie. Bonne manif, Marie. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Il y a une dame à sa fenêtre, une vieille dame qui tape sur une casserole avec sa louche. C'est difficile d'entendre le son, mais elle est là. Manifestants et à plusieurs personnes à la fenêtre de l'immeuble qui saluent les gens qui passent. On est près du CHU de Rouen maintenant. Bonjour. On rejoint un panneau Macron, c'est ta dernière séance. Projectionniste en grève. Oui. Votre prénom c'est quoi? Dylan. Dylan, et pourquoi vous êtes ici? Bah pour défendre ma retraite et la retraite de tout le monde. Et vous venez vous vous affirmer en tant que projectionniste ici? Vous avez des collègues dans le milieu de l'audiovisuel qui sont... Pas à ma connaissance. Okay. Vous êtes le représentant du cinéma dans cette manif. C'est ça. Et vous, au niveau de votre boulot, qu'est-ce qui vous motive à venir ici aujourd'hui? On travaille tous les week-ends, on travaille toute la semaine, on est obligé de bosser pendant les jours fériés. on bosse, on ne peut pas poser de vacances pendant les vacances scolaires, et tout ça pour être payé au SMIC, quoi. Donc il y a aussi une volonté de se battre pour une meilleure condition de travail et tout ce qui tourne autour, quoi. Donc c'est les retraites et tout un système qui va autour, quoi. C'est ça. Okay. Merci, bonne manif. Merci, vous aussi. Bonjour. Je vois des blouses du CHU, enfin oui. Des, voilà. Oui. Est-ce que vous voulez dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui, mesdames ? Non, mais on est retraités, nous, alors. Vous êtes retraités ? Oui, pareil. Solidaires des collègues, oui, oui. Solidaires des collègues qui subissent des conditions de travail abominables. Et elles ne peuvent pas venir toujours en grève, de manifester parce qu'elles sont systématiquement mises en demeure. Parce qu'il n'y a pas de personnel, donc évidemment il n'y a pas de personnel pour... on ne peut pas mettre le personnel en grève quand elles demandent d'être en grève, donc elles sont systématiquement mises en demeure. C'est pour ça que le personnel a du mal à se mobiliser, on ne le voit pas forcément beaucoup dans la rue, mais il est en grande souffrance à l'hôpital. Et, donc, et soutien total aux cheminots et à tous ceux qui font grève. Votre prénom c'est quoi ? Sylvie. Sylvie. Malika. Merci à vous. Bien. Bonne manif. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Je vois un panneau, pas de retraite, pas de planète, stop aux régressions sociales. Et derrière, pas de fausses notes, ne jouez plus avec nos retraites, prof du conservatoire. Et est-ce que vous voulez dire pourquoi les profs du conservatoire sont dans la rue aujourd'hui ? Oui, mais je pense que comme pour beaucoup de corporations, quels que soient les métiers, on est dans la rue parce qu'on n'a pas envie d'un système individualiste pour les retraites. Voilà, c'est le point principal. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter la planète parce qu'il n'y a pas que ça qui va mal, globalement. Puis, il n'y a pas, dans une démarche d'aller de l'avant et de dire qu'on va pouvoir faire quelque chose pour que ça s'arrange. Voilà, pourquoi je suis là. Vous, au niveau du conservatoire, vous avez vu une dégradation de vos conditions de travail ces dernières années ? Bah, on a la chance de faire un métier qui nous plaît, donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. On reste conscient d'avoir cette chance-là. Nos conditions de travail, elles sont les mêmes que pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale. En fait, on est fonction publique territoriale. Et bien sûr, les conditions sont pas optimales. Mais on a quand même conscience de faire partie des gens qui ont en tout cas au moins choisi leur métier. Votre prénom, c'est quoi ? Solène. Merci Solène. Super panneau où il y a marqué le roi des fakes. Moi je prends du son pour A-Central, c'est un collectif de radio associatif qui participe à la grève. Très bien, je suis d'accord, okay. Bravo. Donc j'ai le droit de continuer à brancher mon micro ? En tout cas pour ce qui me concerne, je vous autorise. Je vous remercie. Et donc vous avez un panneau le roi des fakes avec ce qui ressemble, il faut bien le dire, à un balai de brosse de toilette. C'est bien un balai de toilette à l'effigie de Macron, un objet commercial qui a beaucoup de succès. Et j'ai aimé l'associer avec cette légende, le roi des fakes, puisque en communication comme en acte, Emmanuel Macron est vraiment le roi des fausses nouvelles. Votre prénom, c'est quoi ? Je m'appelle Christophe. Merci Christophe, bonne manif. De l'autre côté, Startup Nation, piège à con. Absolument inspiré de André Malraux qui disait élection, piège à con, effectivement. Emmanuel Macron nous l'a bien fait dans ce sens-là, puisqu'il était libre avec 17% des voix. En confisquant complètement le corps électoral sur des arguments mensongers. Donc effectivement, oui, Startup Nation, qui nous vend maintenant, aujourd'hui, après avoir été élu, est une fausse piste économique abominable. Et sociale. Absolument. Merci. Je vous en prie.